Le point de départ de cette journée d'études, c'est la convergence de plusieurs recherches sur des terrains religieux ou non religieux autour du thème de ce qu'on a appelé la transformation biographique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de cette formule que nous avons reprise dans le titre qui s'appelle « Devenir soi-même ». Et donc si vous faites une recherche internet, comme je vais le faire tout de suite, voilà. Vous verrez que c'est assez spectaculaire le nombre de livres qui portent ce titre, des séminaires. On nous a signalé un séminaire à Rouen. Ouais. C'était aujourd'hui aussi, non? Non, je crois presque. Que c'est déjà passé malheureusement, mais c'était 47 euros, donc je ne sais pas. Donc c'est énorme. Et donc devenir soi-même, c'était aussi le. Je ne le vois pas à l'écran là, mais c'était aussi le slogan de la dernière campagne de recrutement de l'armée française. Ce qui est intéressant, le cas de l'armée, parce que on a là un exemple idéal typique du travail institutionnel de resocialisation. En l'occurrence, un travail visible et méthodique entrepris par une institution totale. Et pourtant, ça ne se présente pas sous l'angle de la soumission ou de l'absorption. On pourrait aussi être dans le registre du sacrifice. Mais c'est présenté comme une voie d'épanouissement personnel. Donc rejoindre l'armée pour devenir soi-même. Alors on pourrait appeler ce processus conversion, selon la définition qu'en a donnée Charles Suaud dans son étude classique des vocations dans l'Église catholique. Donc je vous donne la citation de Suaud, un enchaînement de transformations subjectives qui accompagne et conditionne, dans l'illusion de la liberté, la transformation du statut social objectif des recrues. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est précisément de rouvrir la discussion autour de l'articulation entre ces deux concepts classiques en sociologie, institution et conversion, et en rompant avec deux prénotions. La première, c'est la définition religieuse de la conversion, qui est trop souvent reprise sans précaution par les sociologues, en particulier les sociologues des religions, évidemment, mais pas que. Et qui associe la conversion à un événement plus ou moins mystérieux que l'on situe de préférence dans le fort intérieur, le secret de l'âme, le contact émotionnel avec le principe divin, comme je l'ai lu dans un livre de sociologie des religions, mais je ne vous donnerai pas l'auteur, comme je ne veux pas en rajouter non plus. Alors, ça c'est la première prénotion avec laquelle il nous semble utile de rompre, et la deuxième prénotion, c'est pour caricaturer un peu tout le discours sur la disparition de l'autorité, de l'institution, l'avènement du sujet moderne, autonome, responsable, qui construit sa vie et son identité par une série de choix non contraints. Or, il nous semble que si la conversion est généralement présentée par les intéressés eux-mêmes avant tout sur le registre de l'événement et du libre choix, elle ne peut être pensée d'un point de vue sociologique indépendamment des structures qui contribuent à produire concrètement ces transformations ou au moins à en reconnaître l'effectivité. Donc notre hypothèse, c'est de réintroduire l'institution dans le tableau, comme l'a écrit Muriel Darmon, en considérant que le travail de conversion n'est pas un travail détaché de tout dispositif de pouvoir. C'est bon? Tu te reconnais? Oui. C'est l'institution qui, le plus souvent, encadre la conversion de l'individu, balise son parcours, corrige ses égarements et permet le maintien de son engagement sur le temps long. Réintroduire l'institution, c'est s'intéresser au régime d'autorité, modalité de production de la croyance en l'institution, ce qu'on peut appeler l'illusio, aux formes de socialisation et aux investissements différenciés des individus selon leur appartenance sociale. Et tout particulièrement, dans un monde où on invoque continuellement la liberté, l'autonomie et la responsabilité individuelle. La question est donc de comprendre comment les institutions parviennent, entre guillemets, à se faire oublier, alors qu'elles doivent convaincre, transmettre, former et maintenir les individus dans les limites de l'orthodoxie. Comment elles exercent leurs contraintes, comment elles mettent en œuvre une formation collective et continue de leur public, tout en maintenant chez eux le sentiment qu'ils sont les maîtres de leur parcours. Autrement dit, réfléchir à la conversion conduit aussi à aborder la question de la reconfiguration des formes de régulation institutionnelle notamment à partir du paradigme contemporain de l'auto-entrepreneur et de toutes ses déclinaisons, tous les dispositifs d'accompagnement, de travail sur soi qui voient le jour partout, où il était jusqu'alors question de formation ou de prise en charge. Donc reconversion professionnelle, éducation de la jeunesse, initiation religieuse, assistance sociale, accompagnement thérapeutique et on pourrait ajouter pédagogie. Donc nous aurons 5 interventions, 2 ce matin et 3 cet après-midi, qui devraient nous permettre de voir concrètement comment fonctionnent ces dispositifs, quel type de socialisation ils exercent sur les individus, comment ces formes, entre guillemets, invisibilisées de travail institutionnel assurent une transformation durable des dispositions individuelles. Ces réflexions s'inscrivent plus largement dans le cadre du programme PSL Agenda pour une sociologie critique des religions, qui vise à réinscrire le religieux dans le social, ce qui suppose aussi de relier l'analyse sociologique des faits religieux avec les débats et les concepts de la sociologie générale. Le fil directeur de ce programme est de déconstruire la distinction entre sacré et profane qui contribue plus ou moins implicitement à faire du religieux un sujet à part et s'intéresser à l'articulation entre conversion et institution ou pour le dire autrement au ressort institutionnel de la transformation biographique, c'est un bon moyen d'ouvrir des perspectives de comparaison transversales en utilisant des terrains religieux pour éclairer des évolutions plus générales des modes d'autorité, d'institutionnalité et de socialisation, et aussi en déconfessionnalisant la notion de conversion pour en faire un analyseur de la manière dont des institutions construisent aujourd'hui l'expérience subjective de l'autonomie et du changement individuel à travers des dispositifs d'accompagnement des individus dans leur travail sur soi.